Alors que les indices d'un réchauffement climatique plus important que prévu et d'une impossible maîtrise de ces émissions deviennent de plus en plus vraisemblables, se posent de nouvelles questions quant à nos capacités à s'adapter à ces modifications anthropiques du climat, et notamment comment faire pour recapturer plus rapidement, plus efficacement le dioxyde de carbone que nos civilisations émettent massivement depuis l'avènement de l'ère industrielle. Plusieurs solutions existent aujourd'hui, elles sont autant climatiques, biologiques, organiques que strictement technologiques, et un enjeu industriel majeur pour les années qui viennent. CO2, comment lui tendre un piège? C'est le problème captif que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder les multiples et différents volets de ces problématiques liées à la capture du CO2 atmosphérique, trois invités aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique. Cornelia Rumpel, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité scientifique et technique de l'initiative internationale 4 pour 1000 et directrice de recherche CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Bonjour Laurent Bopp. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace et professeur à l'École normale supérieure de Paris. Et bonjour David Farussin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement, c'est à Lyon, et consultant technique pour la start-up MoFaps. Voilà, nous en reparlerons tout à l'heure. Comme tous les jours, eh bien, ne perdez pas les bonnes habitudes en 2019. Vous pouvez suivre notre émission en direct sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, pour commencer, peut-être un mot pour dire que la capture de carbone, elle est aujourd'hui intégrée, elle est aujourd'hui partie prenante de tous les scénarios du GIEC, notamment. On n'envisage plus au niveau international l'évolution du climat terrestre sans une action humaine d'intensification de cette capture du CO2 atmosphérique, David Farussin. Ben oui, tout à fait. Si aujourd'hui, je crois que au niveau de la production de barils de pétrole, on doit être à 100 millions, je crois, de tonnes, je crois, par jour, si je m'abuse. Donc, ces 100 millions, on va les brûler. Et donc, si on veut pas augmenter la concentration du CO2 dans l'air, il va falloir tout de suite les capturer, les piéger pour éviter une surconcentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est un passage obligé dans le futur. Ça fait partie de quasiment tous les scénarios. C'est indispensable aujourd'hui, là, en bas. Alors, c'est indispensable si on veut... remplir l'objectif, qui est de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Nous, les climatologues, on explore aussi des scénarios où on ne fait rien, des scénarios qu'on appelle business as usual, où on continue à émettre sans capturer du CO2, et ce sont les scénarios qui nous amènent à plus 4 ou plus 5 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Qu'en pensez-vous également, Cornelia Rumpel? Oui, tout à fait. Mais notamment, je voudrais dire une réaction de David. On brûle du carbone, du pétrole, on réchauffe, on dégage du CO2, mais il faut arrêter cela parce que sinon, on va aller vers le mur. C'est ça. Peut-être qu'il faut préciser que le thème de cette émission, c'est vraiment la question, et les questions notamment technologiques et techniques liées à la recapture du dioxyde de carbone atmosphérique. Il va sans dire qu'évidemment, ça va en parallèle avec une action de limitation des émissions, dont il sera moins question, mais qui est tout aussi essentielle. Et qui est sans doute la question essentielle. On va discuter de plein de méthodes. Il y a plein de méthodes sur la table. Aujourd'hui, il faut le dire, on n'a pas trouvé de méthode magique. Semble-t-il qu'on n'arrivera pas à stabiliser le CO2 dans l'atmosphère sans nous attaquer à force, en grande force, à la question des émissions. Peut-être justement peut-on commencer par en dire quelques mots. Je ne sais pas si vous avez quelques chiffres qui veut s'y consacrer, Laurent Bopp. Oui, voilà. Donc on parlait des émissions de carbone. On est aujourd'hui, on vient de dépasser les 10 milliards de tonnes de carbone qui sont émis chaque année dans l'atmosphère en raison de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Donc 10 milliards de tonnes par an. Et ça explique l'augmentation du CO2 depuis 1850 ou même depuis 1750, depuis l'avènement de l'ère industrielle. Et le CO2 a augmenté de près de 40% dans l'atmosphère. Donc on a dépassé les 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. C'est une toute petite fraction du volume atmosphérique. Mais cette augmentation de cette toute petite fraction est responsable en grande partie du changement climatique qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il y a néanmoins une partie de ce CO2 qui est relâché dans l'atmosphère, qui est recapturé par des voies naturelles. Est-ce qu'on sait exactement quel type d'écosystème capture quel type de CO2 en quelle quantité? On a des proportions en tête, Cornelia Rumpel? On connaît à peu près, mais notamment aux pièges biosphériques, il y a quand même des très grandes incertitudes qu'on n'arrive pas très bien à modéliser. Du coup, il faut mieux comprendre déjà les processus dans la biosphère et il faut bien étudier ça afin qu'on arrive mieux à modéliser. Quels sont aujourd'hui les principaux, ce qu'on appelle des puits de carbone, quels sont les principaux écosystèmes qui transforment et qui capturent le CO2 atmosphérique? Oui, ce qu'on sait aujourd'hui avec précision, c'est cette valeur des 10 milliards de tonnes de carbone qui sont émis chaque année. Il y a une petite incertitude là-dessus. Ce qu'on sait aussi avec précision, c'est la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Ça, on a plein de stations de mesure qui donc mesurent le CO2 dans l'atmosphère. Et donc, ce qu'on est capable de documenter, c'est le fait que l'augmentation du CO2 représente à peu près la moitié de nos émissions. Ça veut dire que la moitié de nos émissions sont capturées par les puits naturels. Alors ensuite, c'est plus compliqué. Où est-ce que ce CO2 est capturé de façon naturelle? Est-ce que c'est dans l'océan? Est-ce que c'est dans la biosphère continentale? Là, on a des incertitudes. Ce qu'on sait à peu près aujourd'hui, c'est que donc il y a 5 milliards de tonnes qui s'accumulent dans l'atmosphère chaque année, ce qui est responsable de l'augmentation du CO2. Et les autres 5 milliards de tonnes, ils sont capturés à part à peu près égale par l'océan, d'un côté, ça c'est plutôt des processus physico-chimiques, et par la biosphère continentale de l'autre, et là, on parle de processus biologiques. David Ferrussin, sur justement la part de capture, on parle évidemment, on dit que les forêts sont le principal poumon justement de la planète, mais en fait, il semblerait que ce soit tout de même plus les océans qui soient les principaux puits de carbone. C'est pas tout à fait clair. Oui, enfin, pour moi, c'est pas mon sujet de recherche. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des technologies de capture qui peuvent être mises en œuvre, mais aujourd'hui, elles sont insignifiantes, par rapport à ce que la nature peut faire. Il y a des choses qui peuvent être faits au niveau technologique, mais qui n'ont pas été mis en place parce qu'il y a un coût à cela et la société n'est pas encore prête à cela. Donc ici, aujourd'hui, je crois qu'en Norvège, on piège 1 million de tonnes par an. Donc c'est par rapport aux 10 milliards, on est très très très loin. Catherine Rumpel, sur la part justement de la biosphère continentale et de la biosphère océanique. Donc on connaît très bien le piège océanique qui est assez grand et tout ça, mais le problème c'est qu'on ne peut pas le manipuler. Alors que la biosphère qui piège à peu près la moitié, comme tu as dit, donc on peut manipuler, on peut par la gestion des écosystèmes, notamment par la gestion des sols, on peut arriver à manipuler, à stocker ou bien aussi à déstocker si on utilise des pratiques déstockantes. J'ai lu en préparant cette émission une étude relativement récente puisqu'elle a été publiée en novembre dernier dans le journal PNAS qui indique que ces puits naturels que sont la biosphère continentale et notamment la biosphère océanique arriveraient à leur limite de saturation, c'est-à-dire qu'on pourrait, ce système serait sur le point de se dérégler, de ne plus être en mesure de capturer la moitié du CO2 atmosphérique qui est libéré dans l'atmosphère. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces puits naturels capturent à peu près la moitié du CO2 qu'on émet, et on se pose beaucoup de questions sur leur évolution future. Et on a des raisons théoriques de croire que à la fois le puits océanique et le puits biosphérique terrestre montrent des signes de saturation, en raison des processus mêmes qui expliquent ces puits de carbone. Et une des raisons qui expliquerait cette saturation est liée au changement climatique lui-même. En fait, on a une boucle de rétroaction positive, donc avec un effet néfaste finalement. Plus le climat change, moins les puits sont efficaces pour piéger du CO2 en raison du changement climatique. Et donc plus le CO2 augmente vite pour la même quantité de CO2 qui est émise dans l'atmosphère, etc., etc. Donc là, on a une boucle de rétroaction positive. Je peux donner peut-être un ou deux exemples de processus qui permettent d'illustrer cette boucle de rétroaction positive. Alors pour l'océan, pour la biosphère continentale, dans l'océan, un des processus les plus simples, qui est très bien compris, c'est le fait que l'océan se réchauffe. Et quand l'océan est plus chaud, la solubilité du gaz CO2 dans l'eau de mer est plus faible. Et donc plus l'océan est chaud, moins l'océan de surface va être capable d'absorber du CO2 atmosphérique parce que le gaz est moins soluble. Et donc plus une part importante du CO2 est laissée dans l'atmosphère. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle cette boucle de rétroaction positive. Il y a des questions un peu ou des problématiques un peu du même type sur la biosphère continentale. Le changement de climat avec l'augmentation de température, peut-être une augmentation de la respiration dans les sols. Ça, Cornelia pourra en parler mieux que moi. Des changements de précipitation, peut-être une augmentation de l'aridité dans certaines zones. Ça pourrait aussi conduire, en raison du changement climatique, un déstockage de carbone ou en tout cas une réduction de l'efficacité du puits de carbone. Donc on se pose beaucoup de questions sur l'évolution future de ce puits de carbone. Cornelia Rumpel, justement, effectivement, sur la biosphère continentale, là aussi, on arriverait à des phénomènes de seuil, en tout cas peut-être pas de saturation immédiatement, mais en tout cas de ralentissement de la capacité des sols et de la biosphère continentale à absorber le CO2 atmosphérique. On arrive au seuil surtout parce qu'on gère mal. On gère mal nos écosystèmes. Il faut les écosystèmes pour qu'ils puissent piéger le carbone. Il faut qu'ils soient vivants déjà, et il faut que les plantes puissent justement piéger ce carbone par rapport à la photosynthèse. Il faut qu'ils poussent déjà. Et donc si on détruit les écosystèmes, si on les pollue, si on détruit les sols, donc les plantes elles peuvent plus grandir, croître et piéger le CO2. C'est-à-dire que c'est lié notamment, effectivement, comme le disait Laurent Bopp, à l'appauvrissement des sols et notamment un appauvrissement en carbone. On va en reparler puisque c'est l'initiative 4 pour 1000 que vous représentez aussi ici aujourd'hui. Tout à fait. Depuis qu'on a commencé l'agriculture, les sols ont perdu beaucoup de carbone. Il y a 133 gigatonnes de carbone qui ont été dégagées dans l'atmosphère et qui contribuent notamment au réchauffement climatique et qu'on devra repiéger dans les sols afin de réduire la concentration de CO2. Un dernier rapport qui avait fait beaucoup de bruit, publié l'été dernier, qui parlait, vous l'évoquiez à demi-mot, Laurent Bopp, hein, qui identifiait 10 points de basculement et d'emballement du dérèglement climatique, c'est-à-dire des schémas où on n'est pas à 1,5 ou 2 degrés d'augmentation à la fin du siècle, mais plutôt à 4 ou 5, donc avec des conséquences vraiment cataclysmiques. Eh bien, dans ces 10 points de basculement, il y a la saturation en dioxyde de carbone de ces puits naturels. Oui, on peut parler aussi pour l'océan. J'ai parlé de l'effet de la température. On s'attend aussi à des modifications de la circulation de l'océan mondial importantes en raison du changement climatique. Et certains des scénarios envisagés quant à la réponse de la circulation océanique au changement climatique pourraient induire un ralentissement du puits et une saturation plus importante. On parle souvent de l'arrêt ou du ralentissement de la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. C'est peut-être des choses dont vous avez entendu parler. Et cette formation d'eau profonde, elle permet aussi de transporter le carbone piégé dans l'océan de la surface vers les profondeurs. Et évidemment, si cette circulation ralentit, si cette formation d'eau profonde ralentit, l'océan va être beaucoup moins efficace à piéger le carbone dans ses profondeurs. Donc c'est un des autres effets qui a été mentionné dans cette étude dont vous parlez. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc tout au long de cette heure des stratégies de recapture du carbone, du dioxyde de carbone, mais du carbone atmosphérique en règle générale. Nous en parlons avec Cornelia Rumpel, Laurent Bopp et David Farussin autour de cette table. On va examiner ces stratégies qui sont, vous allez l'entendre, très diverses. Certaines sont relativement avancées, d'autres sont encore vraiment à des stades très expérimentaux pour tâcher d'en comprendre les vertus, mais aussi les limites pour certaines de ces technologies. On parle d'ailleurs, ça a un nom maintenant, on parle de TEN, pour technologie à émission négative. Qu'est-ce que c'est qu'une émission négative, Laurent Bopp? Oui, alors une émission négative, ça peut paraître bizarre. Ouais, c'est un peu compliqué comme concept. Un peu compliqué et assez contre-intuitif. Alors en fait, quand on regarde les objectifs de l'accord de Paris, donc l'objectif 2 degrés ou l'objectif 1,5 degrés, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, pour atteindre cet objectif, réduire nos émissions et les amener à zéro, ça ne suffit pas. Et donc, il faut aller en dessous de zéro en termes d'émissions. Donc là, c'est là qu'on parle d'émissions négatives. S'il faut que les émissions soient en dessous de zéro, ce sont des émissions négatives. Et en fait, c'est un peu contre-intuitif encore une fois. On peut se dire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les puits naturels, ils pompent la moitié de nos émissions. Il suffirait de réduire de moitié nos émissions pour stabiliser le CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est une conclusion assez intuitive. En fait, ça marche pas du tout comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, les puits nous aident. Ils pompent la moitié du CO2. Mais quand on stabilise le CO2, les puits vont pomper de moins en moins de carbone. Aujourd'hui, les puits naturels pompent du carbone parce que le CO2 augmente. Si on stabilise le CO2 ou si même le CO2 diminue, les puits vont diminuer très fortement et aller vers zéro, voire même devenir des sources de carbone si le CO2 diminue assez rapidement. Et c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi, pour stabiliser le carbone, il suffit pas de réduire un peu nos émissions, même de moitié, il faut amener nos émissions à zéro. Et parce qu'on a mis du temps à se mettre en route, et parce qu'on met du temps à se mettre en route, il va falloir aller plus loin que ça et amener des émissions en dessous de zéro. Alors pour le scénario 1,5 degré, ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il faut des émissions négatives à partir de 2050. Pour l'objectif 2 degrés, il faut des émissions négatives à partir de 2070, parce que les puits vont se réduire en quantité parce qu'on essaie de stabiliser le CO2 atmosphérique. Et par quel mécanisme, en fait, si vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots, le fait de réduire les émissions, finalement, fait tarir ces puits de carbone océanique ou continentaux. Je peux l'expliquer pour l'océan. Mmh. En fait, le puits de carbone dans l'océan, c'est un processus physico-chimique très simple. Il est lié à ce qu'on appelle la différence de pression partielle de CO2 de part et d'autre de l'interface air-mer. Mmh. Parce que le CO2 est plus important dans l'atmosphère que dans l'océan, on a un flux net de CO2 de l'atmosphère vers l'océan. Et donc, si on stabilise le CO2 atmosphérique, cette différence de pression partielle finit par aller jusqu'à zéro. Et donc, ce flux net de carbone de l'atmosphère vers l'océan va aussi jusqu'à zéro. Donc, c'est assez simple. Et ça explique pourquoi le puits est de moins en moins efficace si le CO2 augmente moins fortement. Parce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée pour commencer cette émission, mais qui est une question finalement qu'on oublie un peu de se poser quand on parle de ce dioxyde de carbone atmosphérique. Donc, la moitié est absorbée par les puits de carbone. Que devient l'autre moitié? Elle s'accumule certes, mais est-ce qu'elle s'accumule complètement? Est-ce qu'on sait dans quelle strate de l'atmosphère? Qu'est-ce qu'elle devient, cette autre moitié de dioxyde de carbone atmosphérique? Qui veut répondre? Laurent Bopp, ouais. Oui, le CO2, en fait, il a très peu de chimie dans l'atmosphère. Donc la très très très grande majorité de ce CO2 va rester sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et le CO2 a un temps de vie très long dans l'atmosphère, et donc il va se répartir de façon assez uniforme dans l'ensemble de l'atmosphère, en tout cas dans la basse atmosphère, troposphère, stratosphère. Et donc, en fait, qu'on mesure le CO2 en France, ici, au milieu du Pacifique, ou dans le sud de l'hémisphère sud, sur quelques années en tout cas, on voit exactement la même croissance. Et donc il suffit d'assez peu de stations de mesure du CO2 pour documenter la croissance du CO2 dans l'atmosphère. Si on regarde à l'échelle saisonnière ou à des échelles temporelles encore plus petites, on voit des différences entre les différents sites de mesure qui vont être liées à des échanges rapides entre l'atmosphère, la biosphère continentale. Les saisons, par exemple, les plantes, elles vont utiliser du CO2 au printemps et pendant l'été, et puis elles vont relarguer ce CO2 pendant l'automne, pendant l'hiver. Donc on voit des variations saisonnières. Mais si on enlève ces variations saisonnières, on voit que le CO2 augmente partout dans l'atmosphère d'à peu près la même quantité. Alors justement, pour ce qui concerne ces technologies de recapture du carbone atmosphérique, on distingue deux grandes familles. L'amélioration des mécanismes naturels d'une part, et d'autre part, la capture artificielle. Cornelia Rumpel, vous pouvez peut-être nous dire un mot de ces deux stratégies qui sont des stratégies effectivement relativement distinctes. Donc les processus naturels, il s'agit d'augmenter les puits naturels du carbone, par exemple le stockage du carbone dans les biomasses des forêts, dans le carbone organique des sols, dans ce qu'on appelle l'humus, alors que les techniques plutôt artificielles, ce sont des matériaux de synthèse qui permettraient de stocker ou bien le stockage du carbone par enfouissement dans de grandes profondeurs dans les sols. Alors on va parler plutôt des mécanismes naturels dans un premier temps et puis on parlera de la capture artificielle. Je me retourne à nouveau vers vous, Laurent Bopp, parce que l'une des premières techniques, celle dont on parle beaucoup, qui a été relativement documentée, qui est l'une des premières solutions d'ingénierie qu'on va dire naturelle avec tous les guillemets que l'on souhaite autour du mot naturel, consisterait en fertiliser certaines parties de l'océan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure pour le puits océanique plutôt de processus physico-chimique. Ça veut pas dire que la biologie marine est pas importante pour le puits de carbone océanique. On a parlé des forêts, on a parlé des sols, mais le phytoplancton, donc les micro-algues qui vivent dans l'océan, capturent également du CO2. En faisant de la photosynthèse, et une partie du carbone qui est capturé par les algues va se retrouver dans l'océan profond, donc va être soustrait d'un contact potentiel avec l'atmosphère. Donc depuis longtemps, on imagine que si les micro-algues, donc si le phytoplancton se développe de façon plus abondante, ça permettrait à l'océan de capter plus de CO2. Alors je vais parler d'une de ces techniques, ce qu'on appelle la fertilisation par le fer, qui est une technique qui est sur la table depuis presque 40 ans aujourd'hui, disons, depuis la fin des années, plutôt une trentaine d'années, depuis le milieu ou la fin des années 80. On s'est rendu compte à cette époque-là, principalement grâce aux travaux d'un scientifique américain qui s'appelait John Martin. On s'est rendu compte à cette époque-là donc qu'une grande partie de l'océan mondial, dans une grande partie de l'océan mondial, le phytoplancton était limité par un micronutritif, le fer. Et donc il suffit d'ajouter un tout petit peu de fer pour que le phytoplancton se développe, parce que à l'état naturel, il est limité par le fer. Et donc dès la fin des années 80, John Martin, dans une publication assez célèbre, dit « Donnez-moi un réservoir de fer » et si je mets le fer dans l'océan, je vous donnerai un âge de glace. Et donc, ce qu'il essayait de dire à l'époque, c'est si j'ajoute du fer à l'océan, le phytoplancton se développe, il pompe du CO2, et une grande partie de ce CO2 va se retrouver dans l'océan profond, donc on baisse le CO2 et on refroidit le climat. Et on a de bonnes raisons de penser que ce mécanisme a joué dans le passé, et en particulier au moment des grands maximums glaciaires qui ont lieu au cours du Quaternaire. On a des traces dans les carottes de glace d'une atmosphère plus riche en poussière et donc plus riche en fer, qui est amenée à l'océan par les poussières désertiques. Et donc, à la fin des années 80, on a eu cet espoir, peut-être, que artificiellement, finalement, en fertilisant l'océan, en ajoutant du fer, on pouvait limiter l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça date de la fin des années 80. Au cours des années 90 et puis au début des années 2000, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées in situ. Des scientifiques sont partis avec des bateaux et ils ont effectivement ajouté dans l'eau de surface des quantités de fer importantes, de l'ordre de 1 ou 2 tonnes. Et on a observé sur place une floraison du plancton, une baisse du CO2 dans l'eau de mer dans laquelle le phytoplancton se développe, et donc vraisemblablement un puits de carbone augmenté localement. Donc ça reste des expériences, même si c'est jusqu'à 1, 2 ou 5 tonnes de fer, ça reste des expériences qui sont toutes petites, hein, à l'échelle de la planète. Mmh. Alors ça, c'était les bonnes nouvelles peut-être des années 90-2000. Très rapidement, les scientifiques étaient assez sceptiques sur le fait que ça soit vraiment efficace. Est-ce que le carbone qui est piégé au moment du développement du phytoplancton, il va rester dans l'océan, ou est-ce qu'une grande partie va repartir dans l'atmosphère à la fin de la saison, par exemple, ou quand les eaux vont se mélanger? Quelles seraient les conséquences sur l'écosystème? Parce que là, on perturbe l'écosystème naturel. Quelles seraient les conséquences sur les émissions d'autres gaz à effet de serre, le protoxyde d'azote ou le méthane, qui pourraient contrebalancer l'effet qu'on gagnerait sur le CO2? Et ensuite, l'autre problème, c'est que dans l'océan, c'est compliqué. Il y a beaucoup de mouvements, des tourbillons, des filaments, des courants océaniques. Et donc, c'est quasiment impossible de monitorer la baisse du CO2 ou le puits de CO2 augmenté par cette technique-là. Donc, beaucoup moins efficace que ce qu'on pensait, avec des conséquences collatérales importantes et vraisemblablement négatives. Et donc, c'est aujourd'hui une idée qui est abandonnée. En 2010, il y a la Convention de Londres qui gère tout ce qui est pollution des eaux internationales. Ce type de technique à des fins commerciales est aujourd'hui interdite. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment toute l'histoire avec une idée qui peut paraître intéressante au début, des expériences réalisées par des scientifiques, une avancée théorique aussi sur la façon dont fonctionne l'océan. On se rend compte que c'est moins efficace. Et ensuite, la gouvernance qui va jusqu'à interdire ce type de techniques, finalement, qui peuvent paraître dangereuses. Ça, c'est effectivement pour l'une de ces tentatives. Il y a une autre famille de techniques qu'on appelle les BECCS en anglais, pour Bioenergy with Carbon Capture and Storage, c'est-à-dire de la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone, qui consiste donc, Cornelia Rumpel, à faire pousser des végétaux pour plus tard en extraire de la bioénergie. Écoutez ce reportage qui a été diffusé sur TF1, nous sommes en 2012. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de micro-algues extrêmement concentrées. Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des algues de 2 à 4 microns. Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement via un pipeline de la cimenterie voisine. Gavées de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga-3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. Voilà, on est à peu près dans le même type de dispositif, c'est-à-dire qu'on augmente, on donne du CO2 à des micro-organismes végétaux en accélérant, en poussant un peu les potards, hein, si vous m'autorisez cette expression, les boutons au maximum de mécanismes biologiques naturels pour forcer à de la recapture plus intensive, Cornelia Rumpel. Oui, tout à fait. Donc, si cet exemple-là, il est très bien, très inspirant. Mais les BECCS, normalement, les gens utilisent aussi dans les terres agricoles. On pousse des biocarburants sur les terres agricoles. Et là, ça devient un peu plus problématique parce que les terres agricoles, on a quand même besoin pour nourrir la population mondiale agrandissante qui va atteindre 9 milliards de personnes en 2050. Et du coup, il faut utiliser ce stockage du carbone dans les sols, c'est une meilleure moyenne car on arrive à avoir des co-bénéfices de rendre les terres plus fertiles et de produire plus plus des aliments. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, utiliser des terres agricoles pour faire pousser des végétaux dans le seul but de faire de la recapture de carbone, ça pose effectivement des problèmes éthiques aujourd'hui très importants compte tenu de la disponibilité des terres arables. Parlez-nous un peu, Cornelia Rumpel, de ce programme 4 pour 1000 qui est amené lui aussi au cours de la COP21 à Paris il y a en 2015. Ce programme 4 pour 1000 a été lancé par l'ancien ministre d'Agriculture, Stéphane Le Foll. Et cette initiative a pour but de stocker le carbone, d'augmenter le stockage du carbone dans le sol de 4 pour 1000 par an, afin d'assurer la sécurité alimentaire et de lutter contre le changement climatique et aussi de permettre aux écosystèmes de s'adapter au changement climatique. Car si on stocke des matières organiques dans le sol, ce que j'ai déjà dit, les sols deviennent plus fertiles, ils peuvent mieux retenir l'eau, ils ont plus de biodiversité dans les sols et les écosystèmes vont mieux, ils sont mieux capables à s'adapter aux événements extrêmes par exemple et du coup cette initiative a pour but de promouvoir cette stockage du carbone dans les sols du monde. Alors c'est sur le papier ça a l'air un peu une stratégie gagnant-gagnant, hein, puisque on extrait du carbone de l'atmosphère, on le remet dans les sols qui ont été appauvris, ça permet de réenrichir les sols, donc de leur redonner un second souffle, une seconde vie, et donc de les fertiliser à nouveau. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que ce programme est avancé? Est-ce qu'on en discerne déjà des écueils? Et puis d'ailleurs, peut-être une question pour commencer, comment est-ce qu'on réintroduit du carbone dans un sol qui a été appauvri? Pour répondre à votre question, donc on met en place des pratiques agricoles, ce qu'on appelle stockantes. Donc, et ce sont des pratiques agricoles qui sont bien connues. Donc, il faut comme par exemple l'agroforesterie, par exemple l'introduction des arbres au sein des parcelles agricoles. Il faut laisser le sol couvert tout le temps. Donc, on va utiliser des cultures intermédiaires pour permettre à ne pas laisser le sol nu. On peut utiliser des légumineuses, par exemple, utiliser un peu moins de fertilisants minérales, parce que les fertilisants minérales, ce qu'un des problèmes, c'est aussi, il y a d'autres gaz à effet de serre, le N2O, par exemple, qui a une puissance de réchauffement 40 fois plus important que le CO2. Donc, ça, c'est très important de lutter contre. Le dioxyde d'azote. Oui, le dioxyde d'azote. Et il y a des techniques, il existe des techniques qu'on connaît, et du coup on veut mettre ça en œuvre pour permettre de stocker plus de carbone dans les sols, pour pouvoir, si c'est fait à grande échelle, de stocker une certaine quantité qui est équivalent à un des grands émetteurs, par exemple l'Union européenne, si on arrive à stocker 4 pour 1000. Aujourd'hui, justement, où en est cette initiative? On vient d'entrer en 2019, donc ça fait 3 ans. Enfin, ça fait 3 ans puisque la COP21 c'était à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des engagements concrets? Est-ce que vous avez réussi à avancer? Où en est-on? Le comité scientifique et technique a élaboré des indicateurs qui permettent de juger des actions. Si des actions sont en accordance avec les objectifs de l'initiative, qui doivent répondre à certains critères. Il faut toujours voir le trade-offs et aussi les bénéfices de ces projets. Les inconvénients, donc. Des inconvénients et les bénéfices des pratiques à un endroit donné. Donc, il faut vraiment voir ça spécifiquement dans des régions, des régions différentes du monde. Et ça, on a mis en place. Et maintenant, il nous faut des actions politiques qui permettent de mettre ça en place. Il nous faut des financements pour pouvoir permettre l'installation de ces pratiques-là. Et du coup, voilà, on est à ce moment-là. Et on est en train de promouvoir et d'essayer à recueillir des fonds pour pouvoir avancer. David Harrison. Oui, on a abordé là les techniques naturelles de stockage, de piégeage naturel. Et on se rend compte que quand on veut booster la nature, il peut y avoir des effets collatéraux et dommageables. Enfin, en tout cas, des risques qui ne sont pas aujourd'hui maîtrisés. Alors, c'est des recherches très, très, très, très en amont. Mais Donc on essaye de reproduire la photosynthèse au niveau du laboratoire, donc de faire la photosynthèse artificielle, et donc d'essayer avec des systèmes de piéger du CO2 avec de l'eau, faire du sucre, hein, avec donc la lumière du soleil, de façon à être un peu séparé de la nature et de pas avoir les désavantages ou ces risques. Mais aujourd'hui, on en est très très loin. Il y a eu des preuves qui ont été faites au laboratoire. Je crois qu'on est arrivé à faire quelques molécules de sucre, mais de façon très très très lente. Et aujourd'hui, quand même, ce sont des gros travaux de recherche qui sont partagés dans le monde entier, qui sont encore voilà, à l'échelle du laboratoire. On produit que quelques molécules aujourd'hui de méthanol ou de méthane. Mais c'est vrai que c'est un défi, hein, puisqu'il faut aller plus vite que la nature. Et la nature, elle a évolué, elle a mis des millions d'années pour aller à son rythme et à sa belle vitesse. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller aussi vite que la nature? Et est-ce qu'on va pouvoir produire un produit chimique ou un carburant de façon assez sélective, assez pure, qu'on va pouvoir utiliser après, comme par exemple de l'éthanol ou du méthane, des alcools, etc. Un mot peut-être, Laurent Bob, sur cette initiative 4 pour 1000. On voit que là, alors on n'est pas dans des systèmes, oups là, j'en perds mon stylo, des systèmes de géo-ingénierie, c'est-à-dire de fertilisation de l'océan. On a des systèmes qui sont des systèmes très inclusifs, de reforestation, pour réinjecter, réimplanter du carbone par voie naturelle dans des sols qui ont été appauvris. Là, on est clairement sur des limites qui sont des limites politiques, économiques, internationales, qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre de manière globale et collective. Oui, mais je crois que toutes ces techniques, quelle que soit leur efficacité, finalement, s'il y a des co-bénéfices, il faut foncer. Il faut foncer. Et si elles peuvent contribuer à réduire la vitesse à laquelle le CO2 augmente, ou même contribuer à faire baisser le CO2, tant mieux. Mais s'il y a des co-bénéfices, il faut foncer. Du côté océanique, il y a aussi beaucoup de travaux sur la végétation côtière. On parle des mangroves ici, ou des marais salants, des herbiers, par exemple, les posidonies, etc. Donc il y a aussi de la végétation océanique qui piège du CO2. C'est pas des surfaces très importantes, mais ce sont des écosystèmes qui sont très productifs. Et ce sont aussi, pour les mangroves en tout cas, des écosystèmes qui ont beaucoup souffert ces dernières années, avec une déforestation importante pour installer des fermes à crevettes ou faire de l'aquaculture. Et donc sur ces écosystèmes aussi, si on arrive à les restaurer, si on arrive à les protéger, il y a des co-bénéfices importants. Donc un piégeage de carbone d'abord. Alors on ne sait pas trop combien, et on ne sait pas si ça sera significatif à l'échelle globale, mais ça permet de protéger les côtes de tempêtes, ça permet la pêche aussi, parce que ces écosystèmes vont être utilisés par les jeunes poissons pour se développer. Donc là encore, ce sont des techniques avec des co-bénéfices pour lesquelles il faut y aller, il faut foncer. Et puis l'effet sur le CO2, ça sera un plus, évidemment, mais il y a tous ces co-bénéfices importants. Peut-être un mot, oui, on va vous remettre évidemment le lien, on avait consacré une émission entière à la mangrove, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. On entendait tout à l'heure dans l'archive, dans le document, le reportage télé, ce dispositif lié aux micro-algues. Les Parisiens ou les gens qui vivent en Île-de-France, peut-être en connaître quelques-uns. Il y en a un dans le 14e place d'Alésia qui ressemble à une grosse colonne Maurice, qui est censée extraire justement de l'air, qui est une place très polluée de Paris. Il y en a un autre, je crois, à Poissy, en région parisienne. Ça, ce sont des pistes. La piste des microalgues, on a le sentiment aussi qu'on est en train de toucher à quelque chose de relativement intéressant, parce que c'est assez facile à mettre en place, c'est assez facilement exploitable. Mais est-ce que ça peut être mis en place de façon suffisamment développée pour être significatif au niveau du climat de la planète? Ce qui est intéressant avec les microalgues, c'est leur taux de croissance qui est très élevé. Donc ce sont des êtres unicellulaires qui sont capables de doubler de volume quasiment tous les jours. Et donc on a évidemment des taux de croissance très forts pour les microalgues. L'autre intérêt, c'est que contrairement à certains types d'écosystèmes continentaux, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Donc il n'y a pas de limitation par la quantité d'eau disponible, parce qu'elles vivent dans l'eau de mer ou dans des conditions qui sont par définition aqueuse. Donc il y a un certain nombre d'intérêts. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est est-ce qu'on va être capable, ces techniques-là, de les étendre à grande échelle pour qu'elles jouent un rôle de façon significative sur cette capture de carbone. Et là, ça reste encore compliqué. On en est encore à l'état de prototype. Et donc, le gros problème qu'on a, c'est le temps. On n'a pas le temps. On veut des émissions négatives importantes dès 2050. Et avec le temps de la recherche, c'est souvent plus longtemps. Et puis après, le temps de la gouvernance et de développer ces techniques-là à l'échelle mondiale, c'est compliqué. The French are glad to die for love. They delight in fighting. doers. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. Voilà, la voix de Marilyn Monroe en ce 2 janvier 2019, Diamonds are the Girl's Best Friend, puisque les diamants sont une forme très condensée de carbone et que certaines initiatives de recapture du carbone envisagent de transformer, et oui, le carbone atmosphérique en bijoux. Peut-être aura-t-on le temps d'en dire un mot, même si c'est très anecdotique, après tout. En tout cas, on parle effectivement de cette question de la recapture du carbone et du dioxyde de carbone atmosphérique pour essayer d'en limiter la prolifération dans l'atmosphère. Nous en parlons avec Cornelia Rumpel, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, avec Laurent Bob, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et avec David Farussin, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Mais tout de suite, comme tous les mercredis, à mi-émission, c'est temps de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir depuis le lointain Québec, Nafouel El Barraoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième année de thèse au Centre Énergie et Systèmes de l'École Nationale Supérieure des Mines à Paris. Vous êtes donc en ligne avec nous depuis Montréal. Vous travaillez le titre de votre thèse « Convertir le mauvais carbone en bon plastique ». Voilà, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci tout d'abord pour votre invitation. Bonne année à vous et à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, mon travail de thèse consiste à concevoir, à construire et à mettre en route un puits de carbone intensif, hybride et adapté à un usage en milieu industriel à Paris. Et en fait, par extension, à toute zone urbaine dense, faiblement ensoleillée de l'hémisphère nord. Alors, il s'agit d'un puits de carbone de type photobioconvertisseur, c'est-à-dire un réacteur où des micro-organismes biologiques de type cyanobactéries ou microalgues vont, sous l'effet de la lumière qui va leur fournir l'énergie radiative nécessaire, et bien vont séquestrer les molécules de dioxyde de carbone qui sont présentes, par exemple, dans l'air, dans les tunnels, dans les fumées d'échappement ou, dans notre cas, dans les fumées d'incinération, en très grande quantité d'ailleurs. Ces micro-organismes vont ensuite convertir le dioxyde de carbone en des composés organiques qui sont vitaux pour leur croissance et leur survie, des composés que nous pouvons par la suite extraire, traiter, conditionner et valoriser pour des applications matière ou énergie. Pour nous, ça sera du polymère PHA, de la fibre de carbone et en sous-produit de l'énergie à partir de résidus de biomasse. Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé à améliorer les modèles de prédiction des différents phénomènes inhérents aux procédés biologiques de photosynthèse. Aujourd'hui, nous proposons un modèle global, multiphysique et multiphasique, c'est-à-dire un modèle à deux composantes, électrodynamique et hydrodynamique, que nous avons donc couplé dans un milieu à trois phases, le milieu de culture à queue, les micro-organismes solides et puis les fumées d'incinération. Et l'objectif était de définir un modèle global de croissance et de productivité. Ceci nous a par exemple permis de mieux comprendre comment la lumière se propageait dans le système, comment son intensité va varier d'une région du système à l'autre, comment les micro-organismes vont se déplacer en présence de turbulences accrues, comment ils réagissent au contraire du cisaillement, comment ils assimilent la lumière et puis comment ils vont accumuler des biopolymères ou de l'amidon à partir du carbone qu'ils captent. Des modèles existent, certes, mais leur marge d'erreur était beaucoup trop importante pour les contraintes climatiques et énergétiques du contexte parisien. Et du coup, la prédiction que nous validons aujourd'hui expérimentalement, donc à Montréal, par la méthode de suivi de particules radioactives doit être en même temps précise et rapide. C'est pour cela que nous faisons appel à la stochastique et au proba, et notamment à l'algèbre de Markov. Alors, dans un deuxième temps, ce modèle nous a permis de concevoir un puits de carbone optimisé, intensif, 3D équivalent, donc il va nécessiter une occupation minimale du sol, ce qui n'existe pas en général, énergétiquement sobre et qui combine à la fois l'usage de l'énergie solaire et la récupération de la chaleur industrielle fatale qu'on retrouve beaucoup dans une unité de valorisation énergétique, et puis qui va nécessiter un minimum d'électricité la nuit ou l'hiver. Et du coup, comme 2019 est un peu l'année de bonne résolution, nous nous apprêtons incessamment à construire un réacteur pilote qui sera d'abord mis en route dans une station expérimentale, afin de maîtriser davantage les coûts opératoires et la gestion du downstream, et avant de déployer ce pilote en 2020 sur l'unité de valorisation énergétique des déchets de Saint-Ouen en région parisienne. Alors, les performances du pilote seront analysées d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue cycle de vie et puis d'externalité, ce qui va nous permettre dans le futur de produire un réacteur à échelle industrielle, viable, intelligent, interactif avec les aléas de la météo, et puis surtout reproductible dans d'autres régions et d'autres contextes industriels. Merci beaucoup, Nafoual El Barraoui. Désolé, la liaison téléphonique n'était pas très très bonne, mais on a compris quand même vraiment l'essentiel de vos travaux. Peut-être une réaction à ces travaux, David Farussin. Là, on est, je crois qu'on avait évoqué ça avec Laurent Bob tout à l'heure. Hein, c'est tout ce qui est bio-organisme et avoir un procédé d'ingénierie qui va favoriser la culture et le piégeage du carbone. Donc on est un peu à l'interface entre la nature et l'artificiel. Mais peut-être que Laurent peut commenter sur les modèles en tout cas. Laurent Bob. Oui, ce qu'on peut dire ici aussi ici, c'est on est dans un cas où on a une émission de CO2 très importante en lien avec une usine ou un centre de retraitement, etc. Et donc on est dans des fumées où la concentration en CO2 est très élevée, et donc on est dans le bon type de processus pour essayer de capter ce CO2. Le problème du CO2, c'est qu'il est émis par ce type de processus, mais il est aussi émis par votre voiture individuelle et donc dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits. Et donc c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. J'ai parlé tout à l'heure de la concentration du CO2 dans l'atmosphère à 0,04% du volume. Et donc il faut aussi essayer d'aller chercher le CO2 quand il est très dilué dans l'atmosphère. Donc il y a de la place pour toutes ces techniques-là. On a besoin de ces techniques qui vont chercher le CO2 dans des fumées où c'est très concentré. On va aussi avoir besoin de techniques qui sont capables d'aller chercher du CO2 dans une atmosphère où il est très dilué. Et puis ça pose la question sur laquelle on va revenir dans quelques minutes aussi, de la réinjection de ce CO2 capturé dans le cycle du carbone, dans le cycle long ou dans le cycle plus court. On va y revenir parce que c'est une question essentielle. Mais avant cela, on va parler justement un peu, puisque nous sommes mercredi et que le mercredi est classiquement notre émission dévolue aux nouvelles technologies, aux technologies émergentes. On va parler de physique des matériaux, puisque la physique des matériaux est également à pied d'œuvre pour tenter de participer à cette résolution de la recapture du carbone atmosphérique, et notamment ce qu'on appelle les MOF pour Metal Organic Frameworks ou réseau métallo organique en français. C'est un secteur qui est en pleine effervescence et auquel vous êtes intéressé, Antoine Beauchamp. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ces MOF, ils ont été mis en point en 2000 aux États-Unis et depuis, les chimistes ne cessent d'en développer. En fait, ce sont des matériaux qui, à l'échelle nanométrique, sont poreux et sont constitués à la fois de briques inorganiques contenant un ion métallique et de briques organiques contenant une molécule de carbone. François-Xavier Couder est chimiste et chercheur CNRS à Chimie Paris-Tech. Il nous explique comment on peut développer des MOF qui ressembleraient à des pièges à carbone, mais aussi comment on pense l'architecture de ces cages à CO2 aux dimensions nanométriques. Les matériaux nanoporeux, c'est des matériaux avec des tout petits trous dedans, beaucoup de petits trous. L'image qu'on a des matériaux poreux, c'est typiquement la pierre ponce, où là on voit les trous, donc on va parler de matériaux macroporeux. Donc c'est le même principe, mais les trous sont tout petits. Et donc du coup, ça a un avantage parce que ça permet de faire rentrer des fluides, des molécules à l'intérieur, que ce soit des liquides ou des gaz. Le but étant, plus les trous sont petits et plus il y a de molécules qui peuvent rentrer, plus ça représente de surface. Ce qu'on dit en général, c'est que dans quelques grammes d'un matériau poreux, nanoporeux, on a en surface l'équivalent d'un terrain de foot. Et donc ça permet d'accueillir beaucoup de molécules. Aujourd'hui, dans la famille des matériaux poreux, effectivement, il y a beaucoup de matériaux différents. On les classe en général par nature. On va trouver des matériaux carbonés, charbon actif, qui sont connus pour tout ce qui filtre l'eau, par exemple les carafes de table. On va trouver des matériaux inorganiques, donc composés d'éléments silicium, aluminium, oxygène, etc. Typiquement, ceux qui sont le plus utilisés industriellement, c'est ce qu'on appelle les zéolithes, donc c'est des aluminosilicates avec des nanopores à l'intérieur. Les MOF, Metal Organic Frameworks, c'est vraiment des composés organométalliques, nanoporeux, donc construits avec des centres métalliques, donc la partie inorganique, et puis entre des molécules organiques qui les relient. C'est assez différent de ce qui se faisait avant, dans le sens où, quand on compare aux zéolithes, les zéolithes sont des structures rigides, c'est inorganique, c'est vraiment ça ressemble à des cailloux, des cristaux, et puis c'est des structures très peu flexibles. Il en existe 200 connus dans le monde, et en découvrir une nouvelle, c'est un exploit. Les Metal Organic Frameworks, les MOF, on en a aujourd'hui plus de 6000 connus, et puis en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années seulement. D'autre part, comme il y a des molécules organiques à l'intérieur, on peut en fait modifier ces molécules organiques, et c'est le grand concept de base de ces matériaux-là, c'est qu'on peut ajuster leurs propriétés en changeant leur chimie. Quels sont les avantages de ces MOF aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la question purement du volume poreux ou de la surface accessible qui est liée à la quantité de gaz qu'on va pouvoir stocker à l'intérieur du matériau. Ça, effectivement, les MOF ont des très grands volumes poreux, tout simplement parce que quand on part d'un matériau de base, on peut en fait... Donc imaginez, c'est un peu comme un mécano, hein. On a vraiment les métaux qui sont les petites billes magnétiques métalliques, et puis les molécules organiques qui les relient, ça fait cette espèce de construction là avec lesquelles les enfants peuvent jouer. Et puis on peut par contre, avec les MOF, choisir une autre molécule organique plus longue et refaire, dans certaines limites, le même matériau, mais avec des pores plus grands. Et du coup, on peut augmenter, on peut contrôler la surface. Donc ça, c'est vraiment avoir une surface plus grande, donc plus d'affinité pour les gaz, pour les liquides. Et puis en plus, on peut introduire dedans des fonctionnalisations. Donc l'idée, c'est que si on met dedans une fonction chimique spécifique, une amine avec un groupe azoté, on sait que par ses propriétés chimiques, son doublet non liant, ça va avoir une affinité supérieure pour le CO2 par exemple ou pour d'autres molécules. Donc on va vraiment pouvoir moduler les propriétés. Donc en plus d'augmenter l'échelle sur laquelle on joue, on peut vraiment contrôler les matériaux de façon assez fine. Comment on fait pour que ces MOF aient plus d'affinité avec le CO2 pour le capturer et pour le stocker ? Alors, ça va se jouer sur plusieurs tableaux. Il y a plus de volume et plus de surface à l'intérieur du matériau. Ça peut être aussi vouloir, je dis plus de surface, c'est une surface par rapport au poids du matériau. Donc ça peut être aussi vouloir introduire un matériau plus léger, basé sur des éléments un peu plus légers, aller dans de la chimie de l'aluminium, aller plutôt que dans de la chimie du plomb, quoi. Ça peut être aussi donc introduire des fonctions chimiques à l'intérieur, des fonctions chimiques qui auront une affinité pour le CO2, pour une autre molécule. Ça peut aussi être introduire des géométries particulières qui piègent bien la molécule de CO2. Récemment, des collègues américains ont montré qu'avec des géométries avec deux cycles aromatiques posés l'un proche de l'autre, mais pas trop proche, il y a pile la place pour faire rentrer une molécule de CO2 en sandwich. Et donc, on crée une configuration qui est très favorable et qui est maintenue en place par le reste du réseau qui est autour. Alors, quelle forme ça pourrait prendre finalement un piège à CO2 reposant sur des MOF, et quelle capacité de stockage on pourrait éventuellement envisager pour ces MOF ? Alors aujourd'hui, quand on parle de CO2 et de MOF, il y a un peu deux aspects à vouloir séparer. Il y a la question de la séparation et il y a la question du stockage. Aujourd'hui, donc, si on parle de stockage, on va parler de volume pour un volume donné et puis derrière pour un prix donné. Donc là, le but dans du stockage, c'est deux choses. C'est d'avoir le plus grand volume possible, faire entrer le plus de molécules, et puis le fait qu'elles puissent pas ressortir. Donc avec une très forte affinité qui fait que la réaction inverse, entre guillemets, de relargage va pas vouloir se faire. Dans ces cas-là, on va vouloir peut-être préférer des systèmes où il y a carrément une réaction chimique à l'intérieur du matériau, ce qu'on appelle la chimisorption, où là, la molécule, elle est carrément intégrée au réseau. Il y en a quelques-uns qui existent, ils sont peu nombreux encore aujourd'hui, mais on peut vouloir directement intégrer la molécule. Sinon, on peut utiliser les MOF ou d'autres matériaux nanoporeux, mais pour séparer en disant derrière j'ai une autre solution qui est le stockage. Parce qu'un premier problème, c'est déjà d'extraire, de séparer le CO2 du reste des gaz de l'atmosphère. Il n'est pas en grande quantité et donc il faut un matériau qui soit capable de faire le tri. Et ça, les MOF sont assez adaptées à ça, parce qu'elles ont une affinité pour le CO2 qui peut être réglable par rapport à, réglée par rapport à d'autres gaz. Et on peut dire, par exemple, eh ben, un matériau qui retient le CO2, mais qui laisse passer l'oxygène, le diazote, les molécules qui sont présentes dans l'air et qu'on ne veut pas du tout piéger. Du coup, on fait passer, on utilise ça comme un filtre, comme une membrane en quelque sorte, et on va vouloir récupérer le CO2 et après le stocker peut-être autrement, ou le réutiliser. C'est aussi une des pistes aujourd'hui de la réutilisation du CO2 derrière. Voilà le reportage du jour sur ces MOF, réseau métal organique. Une réaction évidemment, David Ferrussin, puisque c'est votre secteur. Oui, alors déjà une petite précision, on peut dire un petit cocorico, parce qu'au CNRS, on a été les pionniers en France hein, sur ces matériaux, avec les Américains et des collègues aussi japonais. Donc on est leader et la France reste bien, disons, aux avancées aux premières lignes sur ces matériaux. Donc pour compléter un petit peu ce que mon collègue François-Xavier Coudert disait, c'est vrai que ce sont des matériaux qui ont des propriétés d'absorption qui sont différentes des zéolithes et des charbons. Pour compléter, ils ont des propriétés hydrophiles, hydrophobes différentes. C'est-à-dire qu'ils ont des poches hydrophiles dans lesquelles on va pouvoir capter le CO2, mais avec une surface hydrophobe qui va repousser un petit peu, j'allais dire, pour être simple, l'eau. Et quand on va vouloir capturer le CO2 atmosphérique qui est dans l'air, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, et un des défauts, des pièges des adsorbants, c'est qu'ils captent préférentiellement l'eau par rapport au CO2. Donc ils sont peu sélectifs et donc ils fonctionnent pas très bien. Donc ces nouveaux matériaux MOF, ils ont la bonne idée d'avoir un équilibre hydrophile-hydrophobe qui permet d'absorber préférentiellement le CO2. Donc on va pouvoir les concentrer sélectivement et puis, dans un deuxième temps, le relâcher en chauffant un petit peu, par exemple. Et ça, c'est un deuxième avantage des MOF par rapport aux autres adsorbants, c'est que on peut régénérer sa porosité et reconcentrer le CO2 en apportant une toute petite quantité d'énergie qu'on pourrait trouver chez le solaire ou dans la géothermie ou une chaleur fatale. Donc deux avantages qui font que ces matériaux aujourd'hui excitent la communauté scientifique et même les industriels. Produisent beaucoup d'ailleurs de littérature scientifique. Ouais. Un mot justement, un grand piège, quel serait leur type d'exploitation idéal finalement pour pouvoir rendre leur efficacité, l'optimiser? Je dirais qu'aujourd'hui, enfin, c'est des procédés qui existent aujourd'hui. Ça s'appelle des procédés TSA, Temperature Swing Adsorption. Donc, c'est des grosses colonnes qui sont remplies de petites billes, je dirais, de zéolithes ou de MOF ou de charbon. Et puis, on fait passer un flux. Le CO2 va être capté dans ces grandes colonnes. Au bout d'un moment, les pores, ces matériaux sont gorgés. Et donc il faut réactiver, donc c'est une deuxième colonne qui prend le relais et c'est des vases communicants comme ça. Donc ça peut être de très grosses installations au niveau d'usines de cimenterie ou d'acierie ou ça pourrait pourquoi pas se mettre au pot d'échappement d'une voiture, mais le coût énergétique sera difficile à supporter. Et donc ça pourrait fonctionner avec un CO2 à 400 ppm dans l'atmosphère ou on est dans des concentrations trop faibles pour que ces matériaux parviennent à prélever une partie du CO2 à très faible concentration? Ça marcherait pas forcément très bien. mais aujourd'hui, je reviens d'un voyage d'Australie où des collègues de Melbourne, à l'université de Monash, ont mis un prototype en place qui permet de capter le CO2 atmosphérique et de le concentrer. Alors je pense que c'est un rapport par 100, donc pour arriver à quelques pourcents. Et l'idée, c'est de le réinjecter dans des serres, par exemple, pour faire des tomates ou des kiwis, etc. Donc concentrer le CO2 et le réinjecter. Voilà, donc il y a des prototypes, c'est pas complètement farfelu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire bien le bilan énergétique de tout cela et de voir si on consomme pas trop d'électricité ou pas trop d'énergie par ailleurs pour pouvoir faire fonctionner la machine. Et puis il reste une question, alors il nous reste très peu de temps pour l'aborder, mais qui est tout de même une question centrale, c'est la transformation. Une fois que ce CO2 ou ce carbone est piégé, qu'en fait-on ? Ouais. On entendait tout à l'heure la possibilité de le transformer d'une certaine forme en carburant, ouais. mais ce sont des ouais. alcools, du méthane, tout ça est encore relativement incertain. Donc c'est vrai qu'il y a la voie la plus directe, ce serait l'enfouissement sous terre dans des roches profondes. Dans les roches basaltiques, notamment. Voilà, bon, mais là on voit bien que c'est une solution à court terme, où on va devoir payer en énergie, ça va être coûteux. On dit que l'électricité, le coût de l'électricité serait 20% plus cher hein, si on faisait ce type de stockage de CO2 sans valeur ajoutée. Donc une autre voie, ce serait par exemple de faire des produits chimiques avec une valeur ajoutée, avec une valeur marchande. Donc là on voit bien qu'on pourrait l'utiliser plus facilement avec un gain pour la société. Donc là, il existe quelques familles comme des polymères, des polycarbonates, où donc là on fait réagir le CO2 avec une molécule d'époxyde, ou faire des additifs de solvants comme le diméthylcarbonate. Là, on fait réagir le CO2 avec le méthanol. Mais voilà, il faut trouver ces molécules, il faut les fabriquer, ça demande de l'énergie également. Et voilà, donc là c'est aussi un bilan marché qu'il faut faire, un bilan énergétique, est-ce que ça en vaut la peine? En tout cas, ces molécules et ces marchés de chimie sont bien inférieurs en volume par rapport à la production de CO2, à l'émission de CO2 qu'on fait de façon journalière. Donc ça peut pas être une réponse à la capture du CO2. Pour cela, vraiment, il faudra aller sur la synthèse peut-être de carburant en le combinant avec de l'hydrogène, et ça sera de l'hydrogène vert, de l'hydrogène fabriqué à partir d'énergie intermittente, le solaire, le photovoltaïque. Donc ça, cet hydrogène qu'on appelle vert, combiné avec du CO2, peut faire du méthanol ou de l'éthanol, pourquoi pas aussi des sucres, etc. Mais là, on en est loin de cet hydrogène vert encore. Laurent Bopp, justement, sur la réutilisation de ce carbone capturé, on voit bien que c'est toute la problématique. Une fois qu'on l'a capturé, qu'est-ce qu'on en fait? On l'a capturé, ça suffit pas, surtout si on parle d'émissions négatives. Parce que si on fait du biocarburant et qu'ensuite on utilise ce biocarburant, on est neutre d'un point de vue carbone. C'est-à-dire que tout le CO2 qu'on a capturé, on le réémet finalement dans l'atmosphère. Et là, on parlait de la nécessité d'aller vers des émissions négatives. Et donc ça veut effectivement dire que ce carbone, il faut le stocker quelque part et donc il faut l'enlever du système. Et donc on a parlé des réservoirs géologiques. Il y a d'autres façons de stocker ce carbone, mais il faut aussi travailler sur ce stockage de carbone. Il y a peut-être alors une autre voie, on a parlé de transformation chimique en produits, disons, organiques, carburant, aux molécules. Il y a aussi des recherches qui se font dans la minéralisation. Donc en chimie, si on mélange, on fait réagir du CO2 avec du calcium ou du magnésium, on fait de l'olivine, de la dolomite, en fait c'est voilà, du calcaire, on va dire. Des carbonates. Des carbonates. Et donc on peut penser à utiliser ce type de matériaux pour la construction des bâtiments, pour les routes, etc. Donc ce sont des développements qui sont en cours, où là par contre les volumes sont très très importants, donc on peut penser piéger de façon significative ce CO2. Il faudra par contre retravailler la notion de coût, puisque les matériaux pour la construction sont des matériaux à très très très bas coût, donc il faudra capter ce CO2 de façon très peu chère, et on en revient aux matériaux MOF par exemple, aux solutions très très innovantes pour baisser les coûts. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus évoquer ces problèmes qu'on voit encore relativement nombreux pour arriver à une échelle industrielle et suffisante en tout cas pour réduire la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Merci à tous les trois, merci Cornelia Rompel, merci Laurent Bopp, merci David Farussin. J'en profite pour vous indiquer que le premier forum France Culture qui aura lieu comme chaque année dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ce sera le 12 janvier, sera précisément consacré à cette question un peu plus large liée au réchauffement climatique. Maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est inéluctable, comment s'y prépare-t-on? On vous donne des nouvelles, mais vous allez très bientôt pouvoir vous inscrire sur le site de France Culture, franceculture.fr ou maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode, et bien demain, pour commencer l'année scientifique du bon pied, nous vous proposons une piqûre de rappel de la formation de l'esprit scientifique, le grand ouvrage épistémologique de Gaston Bachelard, dont il sera question pour notre première émission d'Histoire des sciences de l'année. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.